La chronique de Raymond Beltran, républicain et laïc au doigt. Ceci est une lecture de Christophe pour audiocité.net. Droit d'inventaire. Sans vouloir me placer sur un terrain politicien et sans qu'il y ait de lien de filiation entre le pouvoir et moi, je revendique un droit d'inventaire par rapport aux racines chrétiennes de la France. Il y a d'abord une confusion qui m'a toujours frappé entre les racines et le terreau, le terrain, où plongent les racines. Les Français et tous ceux qui habitent en France ont des racines qui plongent dans la culture et la civilisation qui les environne. Et j'ai du mal à considérer que ce terrain culturel soit pris pour des racines. Quelles que soient nos origines et nos racines, ces racines plongent profondément, ou peu, dans un environnement constitué par le mode de vie, par l'éducation reçue à l'école, par les usages politiques et administratifs et tant de choses différentes qui font la vie d'un pays. Qui contesterait que ce fonds culturel a été imprégné d'usages religieux chrétiens et d'architecture et d'art chrétien, que des expressions courantes et toute une civilisation dans laquelle nous avons baigné étaient imprégnées de religiosité? Était-elle chrétienne aussi pour les enfants musulmans? Je ne ferai pas reproche au président de rappeler cela, mais à cette nuance près. Cependant, ce discours n'est pas fait pour constater une évidence, mais pour amorcer des conclusions à venir qui partiront de ces affirmations et en tireront des conséquences pouvant alors risquer d'être exclusives de toute autre vérité. C'est pourquoi je veux exercer mon droit d'inventaire. Première remarque. Le terreau dans lequel nous, les individus et la société, plongeons nos racines collectivement, a-t-il été créé par la tradition chrétienne seule, à partir du néant, et seulement depuis le IVe siècle? Rien n'existait auparavant qui fût digne d'être retenu? Notre terreau culturel ne doit-il rien aux civilisations antérieures, celtes, gauloises, romaine ou grecque? Deuxième remarque. Même si cela n'a pas toujours été le cas, n'y a-t-il pas eu un trou au Moyen-Âge, provoqué par des invasions barbares, qui nous ont déconnectés du passé et qui a constitué une forte régression intellectuelle? Même si le renouveau s'est appuyé sur la vie monastique, la religion n'a-t-elle pas maintenu cet état de fait et ce renouveau ne s'est-il pas fait par le retour aux sources d'une culture gréco-latine païenne qui a permis alors la renaissance? Troisième remarque. Cette renaissance ne doit-elle rien à la riche civilisation arabe des XIIe et XIIIe siècles autour de Cordoue, et au rôle d'intermédiaire joué par les Juifs séfarades entre Cordoue et Gérone, Lunel, Montpellier, et entre Cordoue et Bologne? Par quels intermédiaires avons-nous récupéré les sources gréco-latines que les copistes monastiques ont diffusées? Quatrième remarque. La religion chrétienne, même si elle a donné lieu à des chefs-d'œuvre de peinture, de sculpture et d'architecture, a-t-elle été seule source d'inspiration pour les artistes? Le patrimoine culturel français, comme celui de l'Europe, n'a-t-il pas aussi été tributaire de sources profanes ou bibliques, juives, comme le David, Moïse, Vénus, etc.? Cinquième remarque. Cette religion qui inspirait le patrimoine n'a-t-elle pas été, pendant des siècles, cause de fermetures, de blocages intellectuels, de censures, de condamnations, y compris au bûcher, pour les créateurs? Sixième remarque. La France a-t-elle été imperméable à toutes les civilisations avec lesquelles elle a été en contact, Les étrangers venant en France n'ont-ils rien apporté comme engrais sur ce terreau que celui du catholicisme? Les siècles de présence musulmane en Espagne, les siècles d'occupation ottomane en Grèce, en Europe de l'Est, et de commerce réciproque, entre deux batailles, n'ont-ils pas apporté quelque chose à notre terre nourricière et à nos racines? Septième remarque. Dans la culture de chez nous, le gallicanisme qui refusait Rome, les courants contestataires de l'Église catholique et tous les ferments qui ont abouti à la laïcité avec le temps, ne seraient-ils pas des éléments de la culture française? Des penseurs comme Spinoza n'y auraient pas laissé des traces, pas plus que Platon, Aristote ou Averroès. Huitième remarque. En parlant de racines chrétiennes, pour reprendre les termes inappropriés du langage usuel que je rejette, ne se limite-t-on pas en fait aux seules racines catholiques et ne veut-on pas privilégier cette seule composante du patrimoine national? Neuvième remarque. Le consensus avec le Vatican avait rejeté dans le traité européen de 2005. N'était-il pas repris dans le traité de Lisbonne par la formulation, je cite, « les héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe ». N'est-ce pas plus complet et moins discutable? Dixième remarque. Dans notre terreau culturel, il y a bien un certain siècle dit des Lumières, qui nous a affranchis des oppressions et intolérances religieuses, qui nous a préparés aux droits humains et aux libertés d'opinion et d'expression. Cela ne s'est pas fait avec l'accord de l'Église catholique, laquelle à ce jour encore réfute cet héritage culturel par les voies les plus autorisées du Vatican et de ses relais français. Il est vrai que les encyclopédistes et autres philosophes de ce siècle n'étaient pas considérés comme très catholiques par les évêques d'alors. Mais leur rayonnement universel serait-il à exclure du patrimoine national que revendique notre président? Je ne veux pas faire ici un pamphlet politique, simplement exercer mon droit d'inventaire. Oui, je sais que cela rappelle quelqu'un. Ce n'est pas le fruit du hasard, car les mêmes causes produisent les mêmes effets. L'actualité médiatique de ce jour m'a fait lire ce matin dans l'Indépendant un extrait de l'interview d'Odon Vallée pour l'AFP. Je cite « Le problème est que la France a plusieurs racines, gréco-romaines, catholiques, protestantes, juives, francs-maçonnes. D'une manière générale, les questions religieuses sont à manier avec beaucoup de précautions, car la religion divise autant qu'elle unit, tant dans la majorité que dans l'opposition. » Fin de citation. Je m'interroge sur cette persistance à vouloir se prétendre héritier d'une seule fraction nationale en perte de vitesse et à afficher ainsi une opposition aux autres. Est-ce le rôle d'un président de tous les Français? L'opportunisme et le désir de récupérer des voix feraient-il oublier celles perdues alors dans les secteurs émergents de notre société? La droite voudrait-elle se confondre à ce point avec les conservateurs les plus rétro? Croit-elle trouver son avenir dans le passé? Il est évident qu'en politique, rien n'est innocent. De part et d'autre, on sait se servir des faits pour attirer les électeurs. Et je m'interroge sur l'attitude d'une opposition politique qui ne sait que critiquer le président et ne dit mot sur ce qu'il faut faire sous prétexte de ne pas s'aligner derrière un Front National conquérant. Elle n'ose plus défendre une position laïque juste. À force de se taire, l'on abandonne le terrain à ceux qui n'ont pas de scrupules à l'occuper. Après, on s'en plaint, c'est désolant. Ce soir, Un sondage nous apprend que le Front National serait en tête dans les intentions de vote pour le premier tour de la présidentielle de 2012. Ce n'est qu'un sondage. Mais allons-nous vers un avril 2002 aggravé? Est-ce qu'on a bien fait de traiter avec autant de condescendance les laïcards qui veulent le respect de la laïcité? N'est-ce pas parce qu'on a refusé de mettre en cause des déviances anciennes sous prétexte de ne pas tomber dans l'islamophobie, qu'on a laissé le champ libre à d'autres? N'est-ce pas hypocrite de s'en lamenter maintenant? Dire « c'est la faute du président » et rester silencieux devant le problème posé, fait-il avancer dans la récupération du terrain perdu face au Front National? Nous n'avons pas à mettre en cause nos concitoyens de confession musulmane au nom de la laïcité. Ils sont assurés de pratiquer leur religion et l'article 1 de la loi de 1905 le leur garantit au nom de la République. Mais nous n'avons pas à laisser s'instaurer des empiétements sur la foi républicaine qui apparaissent, qui sont, autant de provocations pour imposer en France un ordre d'origine religieuse sur la sphère publique en contradiction avec l'équilibre laïque qui permet de vivre en harmonie quelles que soient les opinions et les croyances privées. Cela fait des années que nous réclamons de la part des musulmans modérés, la grande majorité, je l'admets, la condamnation des outrances intégristes. Elle est bien rare, très discrète quand elle se fait jour, alors que la voix entendue bien fort est celle, excessive, des peu modérés, et que les mœurs vestimentaires s'alignent sur leurs exigences. Devant cette fuite en avant, devant des exigences religieuses de plus en plus grandes, la base électorale devient sensible à cette constatation. Même si on peut le regretter, c'est un fait. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'antisémitisme. La comparaison avec les années 30 et la montée du fascisme me semble relever de l'amalgame, du sentiment et pas de la raison. Il faudrait raison garder et ne pas s'enfermer dans une politique de l'autruche qui laissera le champ libre au Front National. La reprise du principe de laïcité à droite, le silence du politiquement correct à gauche, le complexe de culpabilité qu'on laisse s'instaurer partout, va permettre de modifier la loi de 1905. C'est entre les mains de la majorité. Qui sait ce qui en sortira sinon le consensus de prise en charge par les institutions publiques du financement de la construction des mosquées? Et après, qui dira où s'arrêtera la mise à jour de la loi? Les arrangements avec le culturel pour dépasser le cultuel ont déjà fait du mal. Au-delà du « ce n'est pas moi, c'est les autres », il faudrait un peu de responsabilité, un peu plus de volonté de respecter la laïcité de l'État, au national comme au local, si nous voulons être crédibles auprès des citoyens. Arrêtons les jérémiades lancées à la cantonade, exigeons de l'État plus de laïcité, mais appliquons-la aussi au niveau local. La France n'est pas issue de la seule influence de l'Église catholique, même si celle-ci a été durable. Nous avons dépassé la domination catholique et imposé la laïcité à cette Église. Ce n'est pas pour céder devant les exigences d'une autre. La séparation des Églises et de l'État ne doit pas disparaître dans l'hypocrisie des postures et des comportements politiques irresponsables et électoralistes. Et, surtout, de grâce, arrêtons d'invoquer l'antisémitisme pour se taire et laisser le Front National récupérer une laïcité que nous ne savons ni ne voulons défendre. La volonté politique pour le faire n'existe qu'en parole. Les actes font défaut. Raymond Beltran, le 5 mars 2011.